folie de toujours, guerre du mal des autres. Au lieu de diffamer les absents, vita homme, révolutionné. Révolution révolution. Personne ne peut le faire d'applaudir. Regarde l'état du monde. Depuis que tu n'as toujours rien fait. Vita homme. Mal aux autres. On aime toujours vouloir du mal aux autres. Vita homme, vita homme. Wow, wow. Révolution, révolution. Révolution, révolution. Révolution, révolution. On y est du haut de ta gloire. Prendre un cas plus faible. Mais qu'à moi de ta tête ta puissance. Vita homme, vita homme. Révolution, révolution. Oh, no, no.